Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, 3 mai 1936, une coalition inédite constituée de la SFIO, l'ancêtre du Parti Socialiste, du Parti Radical et du Parti Communiste, remporte les élections législatives. C'est la victoire de ce qu'on va appeler le Front Populaire, et dont le nom glorieux résonne aujourd'hui encore comme une parenthèse enchantée au cœur d'une époque troublée. Même s'il n'aura traversé le paysage politique français que pendant 2 ans, ce Front Populaire continue d'agiter les consciences comme l'une des expériences les plus importantes de l'histoire de la France du XXe siècle. Il constitue une alliance exceptionnelle des gauches dans une France en crise, frappée à retardement par le krach boursier américain de 1929 et encore visitée par les fantômes de la Grande Guerre. Le Front Populaire, ce sont aussi des avancées sociales, bien sûr, dont les congés payés et la semaine de 40 heures constituent le symbole et la réalité la plus emblématique. C'est enfin le triomphe de ce qu'on appelle les forces de progrès, une formule qui prend là tout son sens. Notre invité aujourd'hui, Pascal Horry, auteur d'une thèse sur la politique culturelle du Front Populaire 1935-1938 et de la belle illusion culture et politique sous le signe du Front Populaire 1935-1938. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INLA, récit documentaire Vincent Lebrun, coordination Christophe Barrère, réalisation Lauriane Touloumont. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. En 1934, la France est en crise. Depuis 3 ans, le pays subit à retardement les effets du krach boursier de 1929. La production industrielle a considérablement baissé, les faillites se multiplient, le nombre de chômeurs augmente, ils sont 453 000 en 1931, ils seront 864 000 fin 1936. En 1932, à la fin de l'année, sur les routes, des citoyens en colère marchent contre la faim. « 25 000 chômeurs venus de toute la France manifestent aux portes de Paris. » Du travail et du pain, c'est à ce cri que défilent les milliers de chômeurs alors que la France connaît une crise économique sans précédent et leurs slogans prennent une résonance poétique. Les marcheurs de la faim, vers Paris résolus s'avancent, du travail ou du pain, clamons partout notre colère, des milliers de familles ont faim et des enfants meurent de misère. Les mesures prises par le gouvernement, comme la baisse drastique des dépenses publiques et notamment du salaire des fonctionnaires, ne parviennent pas à juguler la crise. Alors les ministères se succèdent et n'en font rien de mieux que nourrir un anti-parlementarisme croissant qui suscite l'agitation des ligues d'extrême droite. Celles-ci profitent du chaos ambiant pour répandre des messages haineux contre la République, contre les Juifs, contre les étrangers. En témoignent ces propos tenus par Jean Renaud, qui dirige la Solidarité française, l'une des ligues d'extrême droite. Daladier nous mène comme un troupeau de foires au Blum, au Kaiserstein, au Schweinkopf et autres Ziromski, dont le nom bien français est tout un programme. Il faut la France aux Français. C'est dans ce contexte asphyxiant qu'éclate l'affaire Stavisky, financier escroc notoire lié à plusieurs parlementaires. En janvier 1934, son suicide auréolé de mystère, certains parleront d'assassinat, provoque la création d'un nouveau gouvernement dont la composition doit être présentée à l'Assemblée le 6 février de la même année. Or, avant cette échéance, le radical Édouard Daladier, nouveau président du Conseil, limoge le préfet de police Jean Cap, réputé proche des ligues d'extrême droite. Furieuse, celle-ci appelle leurs sympathisants à faire le coup de poing le 6 février 1934, événement qui débouche sur une manifestation monstre à la Concorde et qui se solde, nous vous l'avons raconté hier, par la mort de 16 civils et d'un policier. On compte plus de 2000 blessés. Cette journée, comme raconté hier, va agir comme un déclic dans les consciences de gauche et stimuler leur volonté de s'unir contre le fascisme qui a triomphé d'abord en Italie et qui se renforce depuis l'arrivée d'Hitler à la tête de l'Allemagne en 1933. Ces idées-là sont à la mode à l'époque. En tout cas, elles trouvent un large écho au sein des populations européennes. Le 9 février, à l'appel du Parti communiste et de la CGT, puis le 12, à l'appel des socialistes, les militants se rassemblent contre le fascisme. La CGT invite tous ses militants à une grève générale. Son mot d'ordre est publié dans l'Humanité. Lundi 12 février, dans toutes les entreprises, dans tous les services publics et les transports, vous ferez la grève de 24 heures. Adressez-vous immédiatement aux travailleurs confédérés et autonomes qui sont en face de vous pour la dissolution des ligues fascistes, l'arrestation de Chiappe, Daladier et Fraud. Organisez des manifestations, participez aux manifestations d'action prolétarienne. Et à l'occasion de ce rassemblement, Léon Blum prend la parole. Citoyens, vous venez d'inscrire une date dans l'histoire légendaire de Paris. Le 12 février, jour de la manifestation du cours de Vincennes, prescrite par le Parti socialiste, il ne laissera pas toucher aux libertés, il ne laissera pas toucher à la République. La preuve est faite, la province soulevée tout entière, Paris rassemblée dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. À la fin de la journée, ensemble, les bases des deux partis se rejoignent spontanément au cri de « Unis, unis ». On peut estimer alors, ces trois jours de tourmente, qu'elles constituent l'acte de naissance du Front populaire. L'opinion considère désormais que la République a été menacée, qu'il y a nécessité d'une stratégie d'union. Ce mot d'ordre est relayé par les intellectuels antifascistes qui créent en mars 1934 le CVIA, le Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes. Plus globalement, l'idée d'une union comme rempart répond à la nouvelle stratégie de Staline, qui prend la mesure de la montée en puissance d'Hitler, qui vient de signer un pacte de non-agression avec leurs voisins communs, polonais. Le Comintern, autrement dit l'international communiste, change de cap. Fini la ligne classe contre classe, où les socialistes et les communistes sont frères ennemis. Non, face à la menace allemande, il faut se serrer les coudes. Georges Dimitrov, le dirigeant de l'international communiste, lance alors le nouveau mot d'ordre du parti. Il faut créer un front populaire pour le pain, la paix et la liberté. L'année suivante, en 1935, fort de ce désir de rapprochement, les trois partis de gauche, le PCF, la SFIO et les radicaux, choisissent de défiler ensemble pour le 14 juillet. À l'issue de cette journée, les hommes politiques de gauche décident logiquement de se présenter unis aux élections législatives du printemps qui suit. Jacques Duclos, secrétaire du Parti communiste français, s'adresse aux manifestants. Donner du travail aux millions de chômeurs. Garantir les salaires et les traitements des fonctionnaires et travailleurs des services publics, c'est combattre les effets douloureux de la crise dans les classes moyennes. Rien ne peut nous séparer sur ce terrain. Tout au contraire, milite pour notre union durable et solide. La CGTU rappelle qu'elle est prête à contribuer en pleine loyauté à l'élaboration d'un programme revendicatif et d'action dont la mise en vigueur garantira aux masses le travail et le pain. Au printemps 1936, les Français prennent connaissance du programme du Front populaire grâce à la radio dont chaque foyer, ou presque, est équipé. Les partisans du Front s'entendent surtout sur un plan politique. Il est question d'interdire définitivement les ligues d'extrême droite, de garantir les droits syndicaux et l'école laïque, de militer pour la paix et de nationaliser les industries de guerre. Sur le plan économique, en revanche, il est clair que la ligne défendue par le Parti communiste fait des vagues au sein même de la gauche. À un mois des élections, son chef, Maurice Thorez, fait grincer les dents des radicaux et d'une partie de ses partisans. Nous combattons pour l'avenir de notre peuple, pour son bonheur et pour sa grandeur matérielle, intellectuelle et morale. Nous croyons que la République française des conseils ouvriers et paysans assurera à jamais à notre peuple le travail, le bien-être, le bonheur, la liberté et la paix. Dans l'immédiat, Nous voulons que les riches payent afin de soulager la misère des plus pauvres, de donner du travail et du pain aux chômeurs, de réajuster les salaires ouvriers, de rétablir les traitements et indemnités des petits fonctionnaires, les retraites des anciens serviteurs de l'État, les pensions des anciens combattants et des victimes de la guerre. Le 3 mai, l'électorat français penche clairement à gauche. Les élus de la coalition remportent les législatives avec 149 élus et 27 apparentés. C'est Léon Blum, le chef de la SFIO, le principal parti de la coalition, le plus représenté, qui devient logiquement président du Conseil et qui va donc gouverner la France. Il souhaite former un gouvernement de radicaux et de socialistes, les communistes préférant, eux, conserver une posture d'observateur. Dans la cour de l'hôtel Matignon, petites lunettes, épaisses moustaches, engoncées dans son manteau de laine, malgré le temps plutôt doux, Léon Blum édicte les premières lois du Front Populaire. Le Front Populaire est constitué. Son programme est le programme du Front Populaire. Parmi les projets, figure la semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier. Le gouvernement demande donc aux travailleurs de s'en remettre à la loi pour celles de leurs revendications qui doivent être réglées par la loi. De poursuivre les autres dans le calme, la dignité et la discipline. Il demande au patronat d'examiner ses revendications dans un large esprit d'équité. Il déplorerait qu'une tactique patronale d'intransigeance parût coïncider avec son arrivée au pouvoir. Un grand avenir s'ouvre devant la démocratie française. Je l'adjure, comme chef du gouvernement, de s'y engager avec cette force tranquille qui est la garantie de victoires nouvelles. Bourgeois raffiné, parisien, homme de lettres, bobo dirait-on aujourd'hui, Blum est loin d'incarner la France ouvrière. La droite d'ailleurs ne se prive pas de stigmatiser cette apparente contradiction, souvent à coups de calomnies qui font de Blum dans la presse réactionnaire une sorte de milliardaire louche qui dîne dans une vaisselle d'or. Aisé, oui, et alors, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas contradictoire. Ce ne furent jamais que des bourgeois qui ont mené les révolutions dans ce pays, dont la dernière, rappelons-le. Et bien évidemment, la condition sociale de Léon Blum ne l'empêche pas d'être épris de justice sociale. Il est donc l'heure pour ce leader politique de poser des actes, lui qui déclarait que, si son parti participait au pouvoir, il devait y laisser une trace éblouissante. Dans le même temps, un événement survenu dans le nord de la France va accélérer son ambitieux programme. Réveille-toi, peuple de France, il faut sauver l'humanité. Redresse-toi, reprends confiance, un souffle d'espoir est passé. Dès demain que notre patrie ranime son flambeau, l'univers entier nous envie, écoutons les échos. C'est la voix du Front Populaire, c'est le chant de la liberté. C'est l'appel de la France entière, pour l'union, la fraternité. Sur le chemin, le soleil brille. Travailleurs, tendez-vous la main pour briser les 200 familles et délivrer le genre humain. Rappelez-vous, 93, nos aînés se sont affranchis. Aux accents de la Marseillaise, ils ont sauvé notre pays. Arrêtons le danger qui passe, il faut être vainqueur. De nos aïeux suivant la trace, assemblons tous les cœurs. C'est la voix du Front Populaire. conservée. C'est l'appel de la France entière pour l'union, la fraternité. Sur le chemin, le soleil brille. Travailleurs, tendez-vous la main pour briser les 200 familles et délivrer le genre humain. Dans les cités et les campagnes, allons camarades à l'avant, pour nos foyers, pour nos campagnes et pour le pain de nos enfants. Car la classe laborieuse ardente a proclamé qu'elle veut une France heureuse en pleine égalité. C'est la voix du Front populaire, c'est le chant de la liberté, c'est l'appel de la France entière pour l'union, la fraternité. Sur le chemin, le soleil brille. Travailleurs, tendez-vous la main pour briser les 200 familles et délivrer le genre humain. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Mai 1936, le Front populaire est au pouvoir. Et pourtant, dans les établissements Breguet au Havre, les ouvriers se mettent en grève suite à un licenciement jugé abusif. Très vite, le mouvement fait tache d'huile et échappe aux syndicats. Des grèves éclatent partout en France, à un rythme que le pays n'avait jamais connu. Entre mai et juin 1936, 2 millions de grévistes sont dans la rue. Beaucoup d'entre eux pour la première fois. Bref, toute la France ouvrière est au ralenti. 12 000 entreprises sont touchées. Et, fait inédit dans le pays, les grévistes décident d'occuper leur lieu de travail. 9 000 en tout, souvent dans une ambiance festive. Les distractions et des jeux alternent avec les différents travaux d'entretien, de cuisine et de nettoyage que se sont distribués par roulement les grévistes. Ronde, saut à la corde, basketball. Sport nouveau pour ces corps que le travail courbe et empêche trop souvent de jouir du soleil de l'air libre. Course cycliste aux usines Renault. Une solidarité nationale se met en place au sein de la population. Les commerçants ravitaillent les grévistes, dans les usines et les ateliers occupés. On écoute la radio, on se réunit, on parle, on organise même des banquets ou des bals. La plupart des ouvriers et employés se sentent désormais proches de ce nouveau gouvernement et ils veulent peser sur sa politique. Comme le décrit si bien Simone Veil, la philosophe, ancienne employée aux usines Renault dans la revue prolétarienne du mois de juin, c'est toute une partie laborieuse qui souffle et qui retrouve sa dignité. Il s'agit, après avoir toujours plié, tout subi, tout encaissé en silence pendant des mois et des années, d'oser enfin se redresser, se tenir debout, prendre la parole à son tour, se sentir des hommes pendant quelques jours. Indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie. Une joie pure, une joie sans mélange. Ces grèves amènent Léon Blum à se saisir immédiatement des demandes exprimées. Au 47 rue de Varennes, à l'hôtel Matignon, aux côtés de ses ministres de l'Intérieur et du Travail, respectivement Roger Salengros et Jean-Baptiste Lebas, Blum réunit des délégués nationaux, patronaux, syndicaux. Ce sont les premières négociations interprofessionnelles. Elles s'achèvent avec la signature d'une entente historique, les accords de Matignon que commente, 30 ans plus tard, Benoît Frachon, secrétaire général de la CGT, puis Alfred Lambert-Ribault, délégué général de l'UIMM, Union des industries et métiers de la métallurgie et du comité des forges, l'ancêtre du MEDEF. Les salaires étaient bas. Nous avons, quand nous sommes allés à Matignon, présenté des fiches de paye au patron dont il ne se vantait pas. Il pouvait simplement redire qu'ils ignoraient cela. Est-ce que le patronat se rendait compte à ce moment-là qu'un certain nombre de réformes ou de mesures sociales devaient être prises? C'est assez difficile de répondre, étant donné l'état de crise dans lequel on était. Parce qu'en réalité, Les réformes sont valables quand on est dans une certaine période de prospérité. Mais dans une période de crise, où on sent que le chiffre d'affaires diminue, que par conséquent les bénéfices disparaissent, faire des réformes sociales qui coûtent forcément cher, on n'a pas tendance à vouloir les faire. Les discussions ont été très difficiles? Non, pas difficiles du tout. Elles ont été vertes, c'est le cas de le dire, animées, mais pour nous, pas difficiles du tout. Ces conversations se sont déroulées dans un climat très courtois et dur, difficile, mais parfaitement acceptable. Ce 8 juin 1936, il est plus de minuit lorsque Roger Salengros, ministre de l'Intérieur, l'annonce. Un accord contractuel entre le patronat et les syndicats, signé sous l'égide du gouvernement, assure le respect du droit syndical, institue des délégués du personnel dans les entreprises de plus de 10 salariés et admet l'établissement immédiat de contrats collectifs de travail. Dans la foulée, les salaires sont augmentés. La délégation patronale s'engage également à ce qu'il ne soit pris aucune sanction pour fait de grève. À la grande satisfaction de Léon Blum, les patrons ont cédé sur les principales demandes des syndicats. La victoire est acquise, titre le journal communiste L'Humanité. Et ce n'est pas fini. En ces premiers jours de juin, les membres du gouvernement de Léon Blum ne ménagent pas leur sommeil. Les 11 et 12 juin, les grandes lois sociales du gouvernement sont annoncées. La diminution de la durée du travail, qui va passer de 48 à 40 heures par semaine, est votée. L'idée, arithmétiquement simple, veut que l'emploi libéré par la diminution de l'horaire hebdomadaire de travail permette d'embaucher les chômeurs que compte alors la France. Et c'est dans cette logique de partage du travail que la semaine passera plus tard, à 39 heures, en 1982, et à 35 heures, 15 ans plus tard, réforme qui avait débouché effectivement sur la création de 350 à 400 000 emplois. Mais la mesure la plus symbolique des avancées sociales du Front Populaire, une mesure quasi-révolutionnaire, c'est bien sûr l'instauration pour tous les salariés de 2 semaines de congés payés. Une proposition qui n'était pas dans le programme, ni même dans les revendications des ouvriers peu convaincus finalement de son intérêt, et qui était en fait un vieux projet du cartel de gauche datant de 1925. L'été approche, et pour que ce nouveau droit devienne immédiatement effectif, des billets de train à prix réduit sont édités. Beaucoup de Français votent pour la première fois et voient pour la première fois la mer ou la montagne, pour les plus aisés. D'autres en profitent pour aller voir une personne de leur famille, un grand-père, une grand-mère qu'ils n'ont jamais vue. Se reposer et être payé pour ça. Lorsque la mesure entre en application, ses bénéficiaires réalisent à quel point ses congés payés sont précieux. Le cinéma, d'ailleurs, illustre cette période charnière de l'histoire de France. À commencer par La vie est à nous, de Jean Renoir, mélange de scènes documentaires et de fiction, illustrant des événements de la vie ouvrière, de la paysannerie et de la bourgeoisie. Mais un film raconte encore mieux que tous les autres cette période bénie du Front Populaire. C'est La belle équipe, de Julien Duvivier. L'histoire de 5 camarades qui décident de construire une guinguette sur les bords de Marne. Commencée dans l'allégresse la plus totale, cette entreprise va prendre l'eau de toutes parts. Du lundi jusqu'au samedi, pour frayer des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, visionnaire, Duvivier tournera 2 fins à La belle équipe. L'une où l'amitié des 2 principaux complices restera intacte, l'autre où elle sera brisée par la duplicité de leur amante. Longtemps, à la demande de producteurs, comme pour prolonger l'esprit de conquête du Front Populaire, on n'exploitera que la version positive bien avant que la version négative ne soit dévoilée en 1986. Comme quoi le mythe est la réalité, car c'est aussi une réalité du Front populaire, on la vit dure. Il faut noter également que la diminution du temps de travail, les congés payés, sont des avancées sociales qui s'inscrivent dans un projet de société plus large. Un projet que le ministre Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État au sport et à l'organisation des loisirs, nomme la formation d'une société saine et heureuse. Un ambitieux programme de transformation sociale est alors lancé. L'éducation est renforcée par le passage de la scolarité obligatoire à 14 ans. La culture, favorisée par la création de musées accessibles au plus grand nombre. La promotion du sport aussi, avec la création d'un poste gouvernemental chargé de l'encourager. Le sport, à l'époque, est réservé aux élites, mais en le vulgarisant, il ne s'agit surtout pas d'embrigader la jeunesse dans une démarche paramilitaire, comme pour les jeunes Allemands. Au contraire, l'idée est de multiplier les offres. Et c'est l'ébauche d'une société qui investit dans la formation des jeunes, une société de loisirs et de tourisme, avec la création notamment des fameuses auberges de jeunesse, dont certains films font la publicité. Salut. Ça va? Bouge pas, après toi mon vieux. Oh, je ne suis pas pressé camarade. Je suis en nouveau et je ne sais pas... Tu ne sais pas quoi faire? Je vais te débrouiller ça, viens. Voilà, tu te fais inscrire, tu prends ta carte 12 francs, tu fais mettre de grosses semelles à tes godasses, ton sac au dos, et tu vas où ça te chante? La mer, la forêt, la montagne, partout. Et partout il y a des auberges? Ouf, quasiment partout. Tiens, là, la mère aubergiste fait une de ses tambouilles à s'en lécher les doigts. Et ça coûte cher dans ces auberges? N'aie pas peur, 3 ou 4 francs pour dormir, autant par repas et de bons copains à chaque étape. Cette nouvelle société se veut aussi plus mixte, puisque pour la première fois, des femmes entrent au gouvernement. Le caractère nouveau des mesures adoptées fait régner une atmosphère d'euphorie dans le monde ouvrier. Regard nouveau sur les femmes, société de loisirs, le front pop est furieusement moderne. Mais en cet été 1936, Léon Blum sait que la situation économique du pays reste mauvaise. Il essaie alors de stopper les grèves pour mener à bien son programme. « Il faut savoir arrêter une grève », clame d'ailleurs le communiste Maurice Thorez dans une phrase restée célèbre. L'État affirme son rôle. Il tente de mieux contrôler la finance en restructurant la Banque de France, mais surtout... Il nationalise les industries de guerre afin d'empêcher les marchands de canons de provoquer un nouveau conflit. Le Front populaire lance également un programme de grands travaux pour moderniser le pays et relancer la production, mobilisant 20 milliards de francs sur 4 ans. Parmi ces projets figurent la construction de barrages et l'achèvement de l'électrification du pays. Avant que ce vaste programme ne se réalise, les difficultés immédiates assaillent Léon Blum. Une partie de la droite s'oppose fortement au Front populaire. Elle le soupçonne de préparer le terrain pour une révolution communiste, en insistant sur les liens, réels d'ailleurs, du PCF avec Moscou. Mais les coups viennent aussi de l'extrême droite, dont les ligues dissoutes en 1936 se sont transformées en parti politique. Et c'est le ministre de l'Intérieur, Roger Salin Gros, qui en fait les frais. C'est lui qui a démantelé toutes les élites paramilitaires. Une violente campagne de presse fait alors courir de fausses rumeurs sur le ministre qui aurait soi-disant déserté en 1915 lors de la Première Guerre. Fragilisé, traumatisé, Salin Gros se suicide, portant un dur coup au moral du Front populaire. Léon Blum lui rend hommage lors de ses obsèques. Il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie. Une fois versé, il continue d'agir, quoi qu'on fasse. Dans le cerveau des indifférents, des hommes de la rue, comme dans le cœur de la victime, il pervertit l'opinion. Car depuis que s'est propagée chez nous la presse de scandale, vous sentez se développer dans l'opinion un goût du scandale. On n'est pas loin de l'honneur d'un homme jeté aux chiens, comme disait François Mitterrand après le suicide de Bérégovoy. Mais revenons à 1936. La coalition menée par Blum est mise à rude épreuve par un autre événement qui surgit dès juillet de cette année-là, de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. La République espagnole est attaquée par une partie de l'armée, une rébellion militaire menée par le général Franco, aidée à la fois par Mussolini et Hitler. en grande difficulté, le gouvernement espagnol demande l'aide de la France. Une partie de l'opinion française et Léon Blum veulent aider militairement les républicains espagnols. Mais beaucoup s'opposent à cette option, y compris au sein du Front populaire. Divisée sur cette question cruciale, sous la pression de l'anglo-saxon Chamberlain et de Daladier, la coalition du Front populaire vacille et choisit la non-intervention. Une décision que Léon Blum justifie devant ses militants socialistes. Demandez-vous, une fois la concurrence des armements installée, car elle est fatale dans cette hypothèse, jamais cela ne restera unilatéral. Demandez-vous, une fois la concurrence des armements installés sur le sol espagnol, quelles peuvent être les conséquences pour l'Europe entière? Cela, dans la situation d'aujourd'hui. Aider les républicains, ce serait prendre le risque d'un embrasement total. Pendant ce temps, les difficultés financières s'accumulent. Depuis le début, la politique sociale de Léon Blum coûte trop cher aux yeux des radicaux. Les prix intérieurs sont en hausse et malgré la reprise de la production, les exportateurs français sont gênés. Dès le mois de juin, l'inquiétude des milieux financiers se traduit par une fuite des capitaux. Le déficit extérieur atteint 700 millions de francs en septembre. Pour endiguer l'évasion fiscale et relancer les exportations, Léon Blum et son ministre des Finances, Vincent Auriol, décident le même mois de dévaluer le franc. Le gouvernement est en prise avec ses contradictions. Certes, il a fallu réarmer la France pour faire face à la menace nazie, mais en même temps, les moyens économiques brillent par leur absence, empêchant le financement des réformes sociales. Le 13 février 1937, dans une allocution radio diffusée, Léon Blum se résigne à annoncer une pause dans les réformes. Il accorde alors des faveurs aux milieux financiers et s'aliène les communistes qui accusent le gouvernement de capituler devant les trusts et le mur d'argent. Les radicaux, eux, se montrent à leur tour de plus en plus critiques. Au mois de juin 1937, dans la tourmente budgétaire, Léon Blum demande les pleins pouvoirs financiers pour un mois. La Chambre des députés le lui accorde, mais le Sénat refuse. Alors, Léon Blum démissionne. Les gouvernements suivants, menés par le centre, vont maintenir la plupart des réformes du Front populaire. Blum revient même l'espace d'un mois à la tête du Conseil le 13 mars 1938 pour démissionner à nouveau le 10 avril. Certes, quelques réformes sont poursuivies, comme la création de la SNCF qui regroupe les compagnies privées de chemin de fer, mais lors des grands projets passés. Au printemps 1938, le Front populaire se disloque. Le nouveau gouvernement supprime plusieurs acquis. Des milliers de syndicalistes sont licenciés. C'est la fin de l'état de grâce et des illusions populaires. Il faut dire qu'en cette fin des années 30, une seule préoccupation est celle de la France. Que faire face à l'Italie de Mussolini et surtout à l'Allemagne d'Hitler qui ne cesse d'étendre leur pouvoir? Le gouvernement français fait un choix qui sera longtemps reproché à Blum lui-même. Paris signe les accords de Munich en septembre 1938 qui accepte le démembrement de la Tchécoslovaquie en réponse aux demandes d'Hitler. Le pacte sur lequel était fondée l'alliance de la gauche, la résistance au fascisme, est anéanti. En novembre 1938, le départ des radicaux marque la fin officielle du Front populaire et la menace est désormais aux portes du pays. 9 mois plus tard, le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. S'il se solde au bout de 2 ans par un échec politique, le Front populaire reste un mythe dans notre mémoire, un moment exceptionnel de notre histoire. Avant tout, parce qu'il a pris sa source et trouvé sa raison d'être dans une extraordinaire mobilisation collective qui n'a pas connu d'équivalent à l'époque en Europe. Et aussi parce qu'il a constitué durant des décennies un modèle à compléter, un idéal social à réaliser. L'avenir est à nous, du moment que l'on s'aime, chaque espoir que l'on s'aime va fleurir tout à coup. soir est plus doux. Si les cieux se constellent, c'est que tout nous révèle que le monde est à nous. À l'appel de ton cœur, si mon cœur bat plus vite, c'est qu'un rêve m'invite au plus grand des bonheurs. Dans tes bras, j'oublie tout, ne pensons qu'à nous-mêmes. Du moment que tu m'aimes, l'avenir est à nous. Si cet instant me semble immense, c'est que je l'attends depuis toujours. Car c'est ma vie que je commence avec cet ardent amour. Je rêve au plaisir divin qui vont nous griser demain. L'avenir est à nous. Du moment que l'on s'aime, chaque espoir que l'on sème va fleurir tout à coup. Le soir est plus doux, si les cieux se constellent, c'est que tout nous révèle que le monde est à nous. À l'appel de ton cœur, si mon cœur bat plus vite, c'est qu'un rêve m'invite au plus grand des bonheurs. Tes bras, j'oublie tout, ne pensons qu'à nous-mêmes. Du moment que tu m'aimes, l'avenir est en nous. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le Front populaire dont nous allons parler avec notre invité Pascal Horry. Bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Auteur d'une thèse sur la politique culturelle du Front Populaire et de la belle illusion culture et politique sous le Front Populaire. La première question est directe. La montée en puissance de ce Front Populaire s'est accompagnée d'une succession de grèves et d'occupations d'usines sans précédent. Alors, ça peut paraître, à première vue, paradoxal. Explication, s'il vous plaît. Bah, le paradoxe, c'est d'abord que, et on ne le signale pas assez, ce sont des grèves non pas avant les résultats, mais après les résultats qui donnent la victoire à la gauche. Oui, c'est donc c'est encore plus paradoxal. C'est encore plus paradoxal. Oui, ce sont justement des grèves de victoire, d'accompagnement de la victoire, et d'une certaine façon pour la CGT qui vient de se réunifier, mais sous direction socialiste. Il faut préciser que quand on dit CGT à l'époque, c'est plutôt socialiste que communiste. Mm-hmm. Ce sera différent après la guerre. C'est une façon de faire gentiment pression quand même sur le gouvernement aussi. D'où le caractère de grève avec occupation, mais pacifique. C'est intéressant parce que ça montre une gouvernance, en tout cas une façon d'être gouverné efficace. On vote pour un pouvoir, une famille politique, pour un programme, et on lui dit... Vous l'appliquez maintenant, hein, parce que il y a beaucoup à faire et on fait une grève. C'est ça en fait que ça véhicule cette grève-là, obliger le gouvernement à mettre en place ces réformes. Oui, et d'ailleurs vous l'avez dit, de toutes les façons, une partie des réformes qui vont être appliquées, proposées en particulier par Blum, on va y revenir dans un instant certainement, oui, n'étaient même pas dans le programme. Donc dans les grèves, il y a un certain nombre de revendications qui émergent. Les congés payés viennent de plusieurs origines, mais en particulier du fait que sur certains lieux, vous avez des sections, des fédérations, c'est pas la position de la CGT dans son ensemble, hein, il faut quand même insister là-dessus, mais il y a des fédérations qui proposent désormais les congés payés, sans doute grâce à l'enthousiasme, à l'euphorie des grèves. Et puis il faut ajouter un point important, c'est qu'il se déroule un mois entre le résultat des élections et l'entrée en fonction du gouvernement, parce que c'est la loi. Mmh. Et certains, d'ailleurs, à gauche comme à droite, disent à Léon Blum, écoutez, allez-y, n'attendez pas. Et lui, c'est un homme de loi, c'est un homme du Conseil d'État, c'est un juriste, il est légaliste, il attend un mois. Mais pendant ce mois-là, effectivement, on peut dire qu'il y a une sorte d'exigence ouvrière qui se renforce. Alors, comment expliquer maintenant, parce que on a commencé notre série historique d'affaires sensibles cette semaine, jusqu'à vendredi, hein. On a commencé par 1934, les manifestations violentes de 1934, l'extrême droite qui montre sa force, sauf que, et dans les autres pays, ces idées d'extrême droite arrivent au pouvoir, et nous en France, il y a une élection d'un gouvernement de gauche, et qui est chimiquement pur de gauche, hein, républicain, il y a beaucoup de formations d'ailleurs, républicain, social. Qu'est-ce qui fait ce contre-exemple de la France ? Avec un autre pays, mais ce sera tragique, quelques mois après la constitution du Front Populaire en France, début 36, donc juste avant les élections françaises, il y a des élections en Espagne avec aussi un Front Populaire. Mais la plupart du temps, il n'y a pas effectivement de Front Populaire. Il y en a encore un au Chili. Non, il se trouve qu'en France, vous avez un héritage certes ouvrier, mais qui est plutôt porté, il faut insister là-dessus, par le Parti Socialiste, hein, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le premier parti aux élections, c'est le Parti Socialiste. Le Parti Communiste est presque un groupuscule au début des années 30, mais il se renforce, évidemment, à l'occasion de ces élections, et d'ailleurs des grèves. Mais il y a les radicaux, faut pas oublier les radicaux. Et pour avoir la majorité, il faut les radicaux, c'est-à-dire, en fait, la tradition, qui est quand même très française, d'une république sociale, mais pas socialiste, et laïque. Et tout ça, ça donne une majorité. C'était ce qu'on appelait la gauche cassoulée au début du siècle. Les radicaux. pour les radicaux, effectivement. Oui. Mais ils sont capitaux. D'ailleurs, on pensait au départ qu'ils allaient être en tête et qu'on aurait confié la direction non pas à Léon Blum, mais à Daladier. Et, oui. Et puis, finalement, surprise, les socialistes sont devant. Alors, bien qu'il s'agisse d'un personnage clé de la gauche française du XXe siècle, finalement, on connaît mal l'homme Léon Blum et finalement ses idées. Quel portrait, en une minute, on pourrait tiré de Blum en insistant sur les traits principaux. Bon, premier point, il a plus de 60 ans, il a 64 ans, il a déjà une carrière politique, mais ce qui est intéressant, c'est que, alors là, il a une carrière atypique. Je pense qu'il n'y a pas l'équivalent dans l'histoire politique française, ni peut-être mondiale, parce que jusqu'à plus de 40 ans, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la politique active. Mmh. On sait qu'il est socialiste, socialisant. C'est d'abord un homme de la loi, au Conseil d'État. Ensuite, c'est un écrivain important. C'est même un grand critique de théâtre. Donc, c'est quelqu'un qui est rejoint par la grande histoire, alors que d'une certaine façon, il ne veut pas y entrer comme ça. Et c'est la guerre de 14-18 qui l'engage. Et après la guerre, le fait qu'il est à la tête de ceux qui refusent de rejoindre l'Internationale communiste. C'est ça qui le met en valeur. Et il y a toujours cette dichotomie, qui n'en est pas une d'ailleurs, entre la classe sociale à laquelle appartient Léon Blum. Je disais, on dirait bobo aujourd'hui, par exemple, un intellectuel de gauche, raffiné, mais aisé, et par rapport au peuple et à ce qu'il défend de la condition du peuple, ça passait mal. Bah, ça passait mal, entre parenthèses, hein, Marx et Engels étaient des grands bourgeois, Engels était même un patron. Hein, bon. Mais oui, donc, d'ailleurs, Danton et compagnie, qui ont mené la Révolution, étaient des bourgeois, évidemment. Mais bien entendu, bien entendu. Mais surtout, ça passait mal dans la mesure où il y avait aussi une critique d'extrême droite, laissant entendre que c'était un bourgeois raffiné, certains suggéraient même qu'il était peut-être homosexuel, enfin, il y avait plein de calomnies sur lui, et que, en tant que juif, évidemment, c'était forcément un riche bourgeois. Donc, ça, il y avait une critique de gauche incontestable, qui va ressurgir au sein du Parti communiste après la rupture, hein, parce qu'il a été très attaqué à certains moments par les communistes, mais aussi au sein de l'extrême droite. Ça fait beaucoup de monde. Hein. Ouais, bien sûr. On en reparle tout à l'heure après avoir écouté Cyril Mokayesh qui nous chante cette circonstance communiste. Mondialiser l'injustice, s'en asperger de bénéfices, ça les perdra. De coucouner le patronat, de boucliériser l'élite, qui t'embauche pas, mais qui profite de ces villas. La, Ibiza, c'est fantastique, un bain de minuit dans le capital, pendant que t'as mal aux ascétiques. Et moi, je suis communiste à ce qui paraît, rien d'héroïque, oui, mais je suis communiste, quoi ça, ça fait pas chic, oula, ça les perdra de vampiriser la révolte, de ratiboiser la culture, pour te ramollir, toi qui taffes dur, et te traîner à l'usine de Cholet, sur des machines à licencier, mais moi. Ça les perdra de nous distraire, à vouloir tout repeindre en vert, à part l'Afrique. Pour ça la crise, c'est bien pratique. Je suis communiste, à ce qui paraît, rien d'héroïque. Pascal Horry, est-ce qu'on peut, quand on parle du Front populaire, de parler de l'acte inaugural de l'union de la gauche en France ? Non, parce que tout dépend de ce que l'on définit comme étant la gauche. Jusqu'à l'époque en question, la gauche se définit plutôt par rapport à la défense des institutions parlementaires, là les communistes sont pas très pour, et d'autre part par la laïcité. Et à ce moment-là, si vous utilisez le critère laïque, mais la gauche, attention, est sous la Troisième République, elle est en général au pouvoir. Hein, faut le savoir. Surtout avec les radicaux, d'ailleurs. Oui, oui. Mais ce que l'on appelle souvent l'union de la gauche, c'est l'union de la gauche incluant tout le mouvement ouvrier, y compris les communistes. Mmh. Et dans ce cas-là, il faut attendre 36. Ça va se retrouver, mais sous le général de Gaulle, donc dans des conditions très différentes en 45, ça va se retrouver en 81. Mais la gauche, au sens où il y a eu un clivage face à la monarchie, un clivage sur les valeurs de la République, ça remonte beaucoup plus haut, et la gauche est quand même majoritairement au pouvoir sous cette forme-là, sous la Troisième République. Mais ça, on le dit jamais. Bien, merci pour cette réponse très claire. Alors, ce qui est frappant, parce que ce qui est passionnant dans l'histoire, c'est les résonances. Hein. L'histoire est le terreau des résonances qu'on peut aller chercher pour aujourd'hui ou pour d'autres époques. On voit que tant qu'on a une politique sociale audacieuse au Front populaire, les communistes suivent. Dès lors que Léon Blum, qui en bon social-démocrate, peut-être commence à prendre en compte les réalités économiques, il y a une pause dans les réformes. Ça nous renvoie aussi à ce qui s'est passé en 1984, où, dès lors qu'il y a une pause dans les réformes de la part des socialistes, les communistes quittent le gouvernement. Est-ce qu'il y a comme ça une filiation entre les deux événements ? Certainement, parce que, comme l'avait d'ailleurs indiqué Léon Blum, mais très lucidement, et comme sans doute se doutaient bien les communistes, on ne peut pas pousser très loin les réformes en restant dans le régime capitaliste. Or, il n'est pas question de sortir du régime capitaliste, d'autant plus que les radicaux ne suivraient pas. Ils ne suivraient pas non plus pour la majorité d'entre eux dans la guerre d'Espagne. Il y a plusieurs critères qui, évidemment, fragilisent le gouvernement. Mais le critère économique est essentiel, parce que je pense que le non-engagement de la guerre d'Espagne, qui est d'ailleurs relatif, puisque grâce à des gens comme Jean Moulin, Pierre Cotte, on aide quand même en sous-main la République, on l'aide moins visiblement que les fascistes, mais enfin on l'aide quand même. Je pense pas que ça aurait été essentiel. En revanche, c'est vrai que quand Léon Blum, par exemple, en 1938, demandera les pleins pouvoirs financiers, avec une réforme inspirée de ce que fait Roosevelt, hein, via Keynes, savoir, bien là, effectivement, il ne sera pas suivi, il sera renversé. Donc c'est quand même sur la politique économique que tout achoppe. Est-ce que le Front populaire a été plus ou moins instrumentalisé par l'URSS de Joseph Staline ? Ah, écoutez, instrumentalisation, non. Mais c'est trop fort, il ne peut pas y avoir, et ça aussi on ne le dit pas, alors je vous le dis en direct, il ne peut pas y avoir de Front populaire en Espagne, au Chili, ou bien sûr en France, sans changement de stratégie de Staline. C'est-à-dire que c'est Staline qui rend possible un Front populaire. J'ai personnellement, effectivement, vous l'avez rappelé, étudié la politique culturelle dans ce domaine. C'est incroyable de voir la rapidité avec laquelle les communistes, en l'espace de 6 mois, font un virage à 180 degrés dans tous les domaines. Ils se mettent à chanter le drapeau tricolore, la Marseillaise, Jeanne d'Arc. Ils vont même jusqu'à tendre la main aux catholiques. François Mauriac, quand il entend ça à la radio, parce que c'est à la radio que Thorez dit ça, il tombe de sa chaise. Et ils vont même, dans le même discours de Thorez, au printemps 36, dire « Je te tends la main, camarade croix de feu », c'est-à-dire extrême droite, trompée par tes chefs. Ça va quand même très très loin dans l'ouverture. Et ça, c'est la nouvelle stratégie de Staline depuis juin 34. Pour faire un rempart contre les fascismes. Oui. On est bien d'accord. Parce que désormais, mais il faut bien savoir que si Hitler est arrivé au pouvoir, comme d'habitude d'ailleurs quand on arrive au pouvoir, c'est souvent par les erreurs de son opposition, c'est parce qu'il n'y avait pas de front anti-hitlérien cohérent. Le Parti communiste allemand et le Parti socialiste social-démocrate allemand passaient leur temps à s'insulter mutuellement. Évidemment, ça, c'est tout à fait suicidaire, et ça, Staline s'en rend compte un peu tard, en 34. Alors, vous parlez de on a parlé de la politique culturelle, et c'est le terrain que vous avez exploré pour votre thèse. La politique culturelle du Front populaire, on l'a évoqué pendant le récit, mais plus précisément, c'est quoi les grandes orientations de la politique culturelle du Front populaire? Ce sont quelques mesures de modernisation qui ont marqué, par exemple une réforme profonde de la comédie française ou des opéras. C'est, vous l'avez dit, du côté des musées, une réflexion sur des musées tournés vers de nouveaux objets. C'est l'époque où on crée le musée des arts et traditions populaires, hein, ça dit tout. Et ce sont surtout des mesures de diffusion de la culture, de ce qu'on appelle la popularisation, on dirait démocratisation plus tard de la culture, relayées par des centaines d'associations culturelles. Parce que le Front populaire, c'est pas simplement les trois grands partis que vous avez cités, ce sont les syndicats, et ce sont plein d'associations culturelles qui naissent à ce moment-là, qui s'occupent de l'ouverture à un plus large public des musées, qui s'occupent bien sûr des auberges de la jeunesse et des loisirs, qui interviennent sur le plan de l'art mural, etc. C'est un foisonnement assez extraordinaire et qui laissera des traces, parce que, si vous voulez, après la guerre, quand on parlera de Jean Villard, du TNP, de la décentralisation théâtrale, des ciné-clubs, etc., c'est assez largement la reprise de ce qu'avait commencé le Front populaire. En passant par Jean Zé aussi. Est-ce que les intellectuels... Jean Zé est un personnage essentiel là-dedans, oui. Parce que c'est le grand ministre de l'Éducation nationale, évidemment. Est-ce que c'est de là que vient la tradition des intellectuels de gauche, ce rapprochement entre politique culturelle et gauche qui serait quelque chose de naturel? Non, l'intellectuel de gauche, c'est un mot qui s'associerait, d'ailleurs le mot lui-même se cristallise au moment de l'affaire Dreyfus, à un engagement à gauche d'intellectuels. Mais il faut pas oublier qu'il y a énormément d'intellectuels de droite à toutes les époques. Oui, mais l'association presque automatique d'intellectuels avec gauche, c'est vrai que l'affaire Dreyfus, le Front populaire, la résistance, les années 70, on peut habituer une partie du public à penser que intellectuel égale gauche. La réalité est assez différente. Alors, Léon Blum s'inscrit parmi une lignée d'hommes de gauche qui ont compté dans ce pays pendant un siècle. C'est quoi la lignée de Léon Blum? Quels autres noms? Bien sûr, on pense à Jaurès, on peut aussi penser à Mitterrand, pourquoi pas. Quelle est la tradition? On pense clairement à Jaurès, parce que Blum s'en réclame. Blum a participé à l'aventure du journal L'Humanité, qui est d'abord le journal de Jaurès, le journal du socialisme réunifié avant la guerre de 14, avant de devenir le journal du Parti communiste. Donc Léon Blum était proche de Jaurès, cite souvent Jaurès. Évidemment, la grande différence entre les deux, c'est pas simplement que Jaurès serait plus mouvement ouvrier que Blum, parce qu'après tout, Jaurès venait d'une gauche très modérée au départ. Non, c'est que Jaurès n'a jamais été au pouvoir, enfin au sens où il pouvait soutenir des gouvernements, mais il n'a jamais été ministre, a fortiori chef du gouvernement, donc face à des responsabilités très lourdes, Jaurès en 1914, s'il n'est pas assassiné. Bon, tandis que Blum, évidemment, il a les mains dans le cambouis. Très bien, pardon de vous bousculer et finir un peu comme ça, de façon un peu rêche, mais le temps est le temps. Voilà, on va pas aller au-delà. Merci. Ça s'appelle infiniment. L'histoire, d'ailleurs. Ça s'appelle l'histoire. Merci infiniment, Pascal Horry. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le Front Populaire, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Merci à Rémi Sistiaga, qui était à la technique aujourd'hui.